Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 5. Haverhill, Massachusetts. Les fermiers se plaignent de la grande abondance des sauterelles. Les banques de Haverhill ont fait de grandes pertes par les faillites de Shaw & Finney. Le juge Cole de Lawrence, lundi dernier, a refusé d'admettre la société des Augustiniens en faillite pour le motif que les déposants à la caisse d'épargne ne sont pas créanciers de la société. Monsieur C.W. Emerson, de Lawrence, a une pendule qui vient de France, garantie de marcher 400 jours consécutifs sans être remontée. Monsieur le docteur Moreau, de Newburyport, vient d'ouvrir un bureau à Amesbury, où il sera visible tous les jours. On lui prête l'intention d'établir définitivement ce village plus tard, s'il reçoit l'encouragement qu'il a droit de s'attendre des Canadiens. Le cadavre d'un enfant, déclaré mort-né par l'examinateur médical Cogswell, a été trouvé sur l'île par Mme Jacobs et son fils en cueillant des fleurs de sursaut. Il a été remis à la disposition de l'autorité. Mme Henry Greenwood, de Marlborough, a été arrêtée pour mauvais traitement d'une petite fille de 4 ans appelée Judy Snow, demeurant avec elle. La petite fille a le dos, les côtés et les jambes marqués pour avoir été brutalement fouettée. Elle a, de plus, une côte cassée, l'épine dorsale disloquée et les reins affectés. Madame Greenwood a dit qu'elle avait essayé à chasser le diable du corps de cet enfant. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.